Chapitre 25. La maîtresse de Porthos. Au lieu de rentrer chez lui directement, D'Artagnan mit pied à terre à la porte de M. de Tréville et monta rapidement l'escalier. Cette fois, il était décidé à lui raconter tout ce qui venait de se passer. M. de Tréville écouta le récit du jeune homme avec une gravité qui prouvait qu'il voyait autre chose dans toute cette aventure qu'une intrigue d'amour. Puis, quand D'Artagnan eut achevé, dit-il. Tout ceci sans son éminence d'une lieue. Mais que faire, dit D'Artagnan. Rien, absolument rien à cette heure, que quitter Paris, comme je vous l'ai dit, le plus tôt possible. Je verrai la reine, et à votre retour, peut-être aurai-je quelques bonnes nouvelles à vous dire. Décidé à mettre les conseils de M. de Tréville en pratique à l'instant même, D'Artagnan s'achemina vers la rue des Fossoyeurs afin de veiller à la confection de son porte-manteau. En s'approchant de sa maison, il reconnut M. Bonacieux en costume du matin, debout sur le seuil de sa porte. Tout ce que lui avait dit la veille le prudent Planchet sur le caractère sinistre de son hôte revint alors à l'esprit de D'Artagnan. Toute fausseté est un masque, et si bien fait que soit le masque, on arrive toujours avec un peu d'attention à le distinguer du visage. D'Artagnan baissa les yeux vers ses bottes toutes couvertes de boue. Mais dans ce mouvement, ses regards se portèrent en même temps sur les souliers et les bas du mercier. On eût dit qu'on les avait trempés dans le même bourbier. Les uns et les autres étaient maculés de taches absolument pareilles. Alors une idée subite traversa l'esprit de D'Artagnan. Le mari avait présidé à l'enlèvement de sa femme. Il prit à D'Artagnan une terrible envie de sauter à la gorge du mercier et de l'étrangler. Mais, nous l'avons dit, c'était un garçon fort prudent. Et il se contint. « Pardon, mon cher monsieur Bonacieux, si j'en use avec vous sans façon, dit D'Artagnan, mais rien n'altère comme de ne pas dormir. J'ai donc une soif d'enrager. Permettez-moi de prendre un verre d'eau chez vous. Vous le savez, cela ne se refuse pas entre voisins. » Et sans attendre la permission de son hôte, D'Artagnan entra vivement dans la maison et jeta un coup d'œil rapide sur le lit. Le lit n'était pas défait. Bonacieux ne s'était pas couché. « Merci, maître Bonacieux, dit D'Artagnan en vidant son verre. Voilà tout ce que je voulais de vous. » Et il quitta le mercier tout ébahi de ce singulier adieu et se demandant s'il ne s'était pas enferré lui-même. Sur le haut de l'escalier, il trouva Planchet tout effaré. « Ah, monsieur, s'écria Planchet dès qu'il eut aperçu son maître, en voilà bien d'une autre. Il y a une demi-heure, tandis que vous étiez chez monsieur de Tréville. Et qui donc est venu ? Voyons, parle. Monsieur de Cavois. Monsieur de Cavois, en personne. » Le capitaine des gardes de son éminence ? Lui-même. Il venait m'arrêter. Il venait, disait-il, de la part de son éminence, qui vous voulait beaucoup de bien, vous prier de le suivre au palais royal. Aussi, je l'ai vu le piège, et j'ai répondu que vous seriez désespéré à votre retour. Où est-il allé ? A demandé monsieur de Cavois. À Troyes, en Champagne, ai-je répondu. Et quand est-il parti ? Hier soir. Planchet, mon ami, interrompit D'Artagnan, tu es véritablement un homme précieux. Tu conserveras ta réputation d'homme véridique. Dans un quart d'heure, nous partons. C'est le conseil que j'allais donner à monsieur. Et où allons-nous, sans être trop curieux ? Pardieu, du côté opposé à celui vers lequel tu as dit que j'étais allé. D'ailleurs, n'as-tu pas autant de hâte d'avoir des nouvelles de Grimaud, de Mousqueton et de Bazin que j'en ai moi de savoir ce que sont devenus Athos, Porthos et Aramis ? Si fait, monsieur, dit Planchet, et je partirai quand vous voudrez. L'air de la province vaut mieux pour nous, à ce que je crois en ce moment que l'air de Paris. Ainsi donc, fais notre paquet, Planchet, et partons. Nos deux voyageurs arrivèrent à Chantilly sans accident aucun et descendirent à l'hôtel du Grand Saint-Martin, le même dans lequel ils s'étaient arrêtés lors de leur premier voyage. L'hôte, en voyant un jeune homme suivi d'un laquais et de deux chevaux de main, s'avança respectueusement sur le seuil de la porte. Il voulut le servir lui-même. Ce que voyant, D'Artagnan fit apporter deux verres et entama la conversation suivante. « Ma foi, mon cher hôte, dit D'Artagnan en remplissant les deux verres, moi qui voyage beaucoup et surtout sur cette route, je voudrais voir tous les aubergistes faire fortune. »« En effet, dit l'hôte, il me semble que ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur. »« Ah, je suis passé 10 fois peut-être à Chantilly, et sur les 10 fois, je me suis arrêté au moins 3 ou 4 fois chez vous. Tenez, j'étais encore il y a 10 ou 12 jours à peu près. Je faisais la conduite à des amis, à des mousquetaires, à telle enseigne que l'un d'eux s'est pris de dispute avec un étranger, un inconnu. un homme qui lui a cherché je ne sais quelle querelle. « Ah oui, vraiment !» dit l'hôte. « Et je me le rappelle parfaitement. N'est-ce pas de M. Porthos que votre seigneurie veut me parler ?»« C'est justement le nom de mon compagnon de voyage. Mmh. Il nous a fait l'honneur de rester ici. »« Comment, il vous a fait l'honneur de rester ici ?»« Oui, monsieur, dans cet hôtel. Nous sommes même bien inquiets. » »« Et de quoi ?»« De certaines dépenses qu'il a faites. » Eh bien, mais les dépenses qu'il a faites, il les paiera. Ah, monsieur, vous me mettez véritablement du baume dans le sang. Nous avons fait de fort grandes avances, et ce matin encore, le chirurgien nous déclarait que si monsieur Porthos ne les payait pas, c'était à moi qu'il s'en prendrait, attendu que c'était moi qui l'avais envoyé chercher. Mais Porthos est donc blessé ? Je ne saurais vous le dire, monsieur. Eh bien, puis-je voir Porthos ? Certainement, monsieur, prenez l'escalier, montez au premier et frappez au numéro 1. Seulement, prévenez que c'est vous. « Comment que je prévienne que c'est moi ?»« Oui, car il pourrait vous arriver malheur. »« C'est ce que nous avions pensé aussi, monsieur. Comme la maison est fort régulière et que nous faisons nos comptes toutes les semaines, au bout de 8 jours, nous lui avons présenté notre note. Mais il paraît que nous sommes tombés dans un mauvais moment. Il est vrai qu'il avait joué la veille. »« Je le reconnais bien là, » murmura d'Artagnan. « Alors, » continua l'hôte, « je me bornais donc à le prier de me rendre sa chambre, qui est la plus belle de l'hôtel. » Et de se contenter d'un joli petit cabinet au troisième, mais à ceci, M. Porthos répondit que, comme il attendait d'un moment à l'autre sa maîtresse, qui était une des plus grandes dames de la cour, je devais comprendre que la chambre qu'il me faisait l'honneur d'habiter chez moi était encore bien médiocre pour une pareille personne. Cependant, tout en reconnaissant la vérité de ce qu'il disait, je crus devoir insister, mais il prit son pistolet, le mit sur sa table de nuit et déclara qu'au premier mot qu'on lui dirait d'un déménagement quelconque à l'extérieur ou à l'intérieur, il brûlerait la cervelle à celui qui serait assez imprudent pour se mêler d'une chose qui ne regardait que lui. « Porthos vous paiera, » fit l'hôtelier d'un ton de doute. « C'est le favori d'une très grande dame qui ne le laissera pas dans l'embarras pour une misère comme celle qu'il vous doit. Si j'ose dire ce que je crois là-dessus, parlez. » Et foi de gentilhomme, vous n'aurez pas à vous repentir de votre confiance. Monsieur Porthos nous a remis un billet pour cette duchesse. Eh bien, monsieur, savez-vous ce que c'est que cette grande dame ? Non, j'en ai entendu parler à Porthos, voilà tout. Savez-vous ce que c'est que cette prétendue duchesse ? Je vous le répète, je ne la connais pas. C'est une vieille procureuse au Châtelet, monsieur, nommée Madame Coquenard, laquelle a au moins 50 ans et se donne encore des airs d'être jalouse. Cela me paraissait aussi fort singulier, une princesse qui demeure rue aux ours. « Comment savez-vous cela ?»« Parce qu'elle s'est mise dans une grande colère en recevant la lettre, disant que M. Porthos était un volage et que c'était encore pour quelques femmes qu'il avait reçu un coup d'épée. »« Mais il a donc reçu un coup d'épée ?»« Ah, mon Dieu ! Que je dis là ? Vous avez dit que Porthos avait reçu un coup d'épée ?»« Oui, mais il m'avait si fort défendu de le dire. »« Pourquoi cela ?»« Dame, monsieur, parce qu'il s'était vanté de perforer cet étranger avec lequel vous l'avez laissé en dispute, et que c'est cet étranger, au contraire, qui, malgré toutes ses rodomontades, l'a couché sur le carreau. » Très bien. Je sais ce que je voulais savoir. Maintenant, vous dites que la chambre de Porthos est au premier numéro 1 ? Oui, monsieur. N'ayez pas peur, il n'est pas si diable qu'il en a l'air. En disant ces mots, D'Artagnan monta l'escalier, laissant son hôte un peu plus rassuré à l'endroit de deux choses auxquelles il paraissait beaucoup tenir, sa créance et sa vie. Au haut de l'escalier, D'Artagnan frappa un coup, et sur l'invitation de passer outre qui lui vint de l'intérieur, il entra. À la vue de son ami, Porthos jeta un grand cri de joie. « Ah, pardieu, c'est vous !» dit Porthos à D'Artagnan. « Soyez le bienvenu, et excusez-moi si je ne vais pas au-devant de vous, mais, ajouta-t-il en regardant D'Artagnan avec une certaine inquiétude, « vous savez ce qui m'est arrivé ?»« Non. » Porthos parut respirer plus librement. « Et que vous est-il donc arrivé, mon cher Porthos ?» continua D'Artagnan. « Il m'est arrivé qu'en me fendant sur mon adversaire, qui j'avais déjà allongé 3 coups d'épée, et avec lequel je voulais en finir d'un quatrième, mon pied a porté sur une pierre, et je me suis foulé le genou. Vraiment ? D'honneur ! Heureusement pour le maraud, car je ne l'aurais laissé que mort sur place, je vous en réponds. » Comme D'Artagnan était à peu près rassuré sur Porthos et qu'il lui tardait d'avoir des nouvelles de ses deux autres amis, il tendit la main au malade et le prévint qu'il allait se mettre en route pour continuer ses recherches. Au reste, comme il comptait revenir par la même route, si dans 7 à 8 jours Porthos était encore à l'hôtel du Grand Saint-Martin, il le reprendrait en passant. Porthos répondit que selon toute probabilité, sa foulure ne lui permettrait pas de s'éloigner d'ici là. D'ailleurs, il fallait qu'il restât à Chantilly pour attendre une réponse de sa duchesse. D'Artagnan lui souhaita cette réponse prompte et bonne, et après avoir recommandé de nouveau Porthos à Mousqueton et payé sa dépense à l'hôte, il se remit en route avec Planchet, déjà débarrassé d'un de ses chevaux de main. Chapitre 26. La thèse d'Aramis. D'Artagnan n'avait rien dit à Porthos de sa blessure, ni de sa procureuse. C'était un garçon fort sage que notre Béarnais, si jeune qu'il fût. Cependant, tout le long de la route, une profonde tristesse lui serrait le cœur. Il pensait à cette jeune et jolie Madame Bonacieux. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Elle était victime d'une vengeance du cardinal, et comme on le sait, les vengeances de son éminence étaient terribles. Comment avait-il trouvé grâce devant les yeux du ministre? C'est ce qu'il ignorait lui-même, et sans doute ce que lui eût révélé M. de Cavois si le capitaine des gardes l'eût trouvé chez lui. Ce fut en proie à cette hallucination que D'Artagnan franchit, à l'allure que voulut prendre son cheval, les 6 ou 8 lieues qui séparent Chantilly de Crèvecœur. Là seulement la mémoire lui revint. Il secoua la tête, aperçut le cabaret où il avait laissé Aramis et mettant son cheval au trot, il s'arrêta à la porte. Cette fois, ce ne fut pas un hôte, mais une hôtesse qui le reçut. D'Artagnan n'avait rien à craindre de la part d'une si joyeuse physionomie. « Ma bonne dame, lui demanda D'Artagnan, pourriez-vous me dire ce qu'est devenu un de mes amis que nous avons été forcés de laisser ici il y a une douzaine de jours ?»« Un beau jeune homme de 23-24 ans, doux, aimable, bien fait. »« De plus, blessé à l'épaule, c'est cela. »« Justement. »« Eh bien, monsieur, il est toujours ici. »« Ah, pardieu, ma chère dame, dit D'Artagnan, vous me rendez la vie. » « Où est-il, ce cher Aramis que je l'embrasse? Car, je l'avoue, j'ai hâte de le revoir. »« Pardon, messieurs, mais je doute qu'il puisse vous recevoir en ce moment. »« Pourquoi cela? Est-ce qu'il est avec une femme ?»« Jésus, que dites-vous là ? » ?»« Et avec qui est-il donc ?»« Avec le curé de Montdidier et le supérieur des Jésuites d'Amiens. »« Mon Dieu, s'écria D'Artagnan, le pauvre garçon irait-il plus mal ?» « Non, monsieur, au contraire. Mais à la suite de sa maladie, la grâce l'a touché. » Et il s'est décidé à entrer dans les ordres. C'est juste, dit D'Artagnan. J'avais oublié qu'il n'était mousquetaire que par intérim. Monsieur insiste-t-il toujours pour le voir? Plus que jamais. Eh bien, monsieur n'a qu'à prendre l'escalier à droite dans la cour, au second numéro 5. D'Artagnan s'élança dans la direction indiquée. Au bruit que fit D'Artagnan en ouvrant la porte, Aramis leva la tête et reconnut son ami. Mais, au grand étonnement du jeune homme, sa vue ne parut pas produire une grande impression sur le mousquetaire. Tant son esprit était détaché des choses de la terre. « Bonjour, cher D'Artagnan, dit Aramis. Croyez que je suis heureux de vous voir. »« Et moi aussi, dit D'Artagnan. Quoique je ne sois pas encore bien sûr que ce soit à Aramis que je parle. »« Je vous trouble peut-être, mon cher Aramis, continua D'Artagnan, car d'après ce que je vois, je suis porté à croire que vous vous confessez à ces messieurs. » Aramis rougit imperceptiblement. Vous me troublez? Oh, bien au contraire, cher ami, je vous le jure. Et comme preuve de ce que j'ai dit, permettez-moi de me réjouir en vous voyant sain et sauf. Ah, il y vient enfin, pensa D'Artagnan. Ce n'est pas malheureux. Vous arrivez à propos, cher D'Artagnan, dit Aramis. Et vous allez, en prenant part à la discussion, l'éclairer de vos lumières. Voici de quoi il s'agit. « Monsieur le principal croit que ma thèse doit être surtout dogmatique et didactique. »« Votre thèse? Vous faites donc une thèse ?»« Sans doute, répondit le jésuite, pour l'examen qui précède l'ordination, une thèse est de rigueur. »« L'ordination ? » s'écria D'Artagnan, qui ne pouvait croire à ce que lui avaient dit successivement l'hôtesse et Bazin. « L'ordination ?»« Utraque manus in benedicendo clericis inferioribus necessaria est. » Ce qui veut dire, reprit Aramis pour lui donner toute facilité, les deux mains sont indispensables aux prêtres des ordres inférieurs quand ils donnent la bénédiction. Admirable sujet, s'écria le jésuite. Admirable et dogmatique, répéta le curé. Aramis jeta un coup d'œil de côté sur D'Artagnan et il vit que son ami bâillait à se démonter la mâchoire. Certes, dit Aramis, je rends justice aux beautés de cette thèse, mais en même temps je la reconnais écrasante pour moi. J'avais choisi ce texte. Dites-moi, cher d'Artagnan, s'il n'est point de votre goût, non inutile est desiderium in oblatione. Ou mieux encore, un peu de regret ne messied pas dans une offrande au Seigneur. Halte là, s'écria le jésuite, car cette thèse frise l'hérésie. Il y a une proposition presque semblable dans l'Augustinus de l'hérésiarque Jansénius, dont tôt ou tard le livre sera brûlé par les mains du bourreau. Prenez garde, mon jeune ami, vous penchez vers les fausses doctrines, mon jeune ami, vous vous perdrez. Vous vous perdrez, dit le curé, secouant douloureusement la tête. Mais de grâce, dit Aramis. Desideras diabolum infortuné, s'écria le jésuite. Il regrette le diable, ah, mon jeune ami, reprit le curé en gémissant. Ne regrettez pas le diable, c'est moi qui vous en supplie. D'Artagnan tournait à l'idiotisme. Il lui semblait être dans une maison de fous. Voici mon point de départ, c'est un syllogisme. Le monde ne manque pas d'attrait. Je quitte le monde, donc je fais un sacrifice. Or, l'Écriture dit positivement, faites un sacrifice au Seigneur. Gardez-vous du goût profane dans le style théologique. Que dit en effet saint Augustin ? Severus sit clericorum sermo. Oui, que le sermon soit clair, dit le curé. Travaillez lentement, dit le curé, nous vous laissons dans des dispositions excellentes. Adieu, mon fils, dit le curé, à demain. À demain, jeune téméraire, dit le jésuite. Vous promettez d'être une des lumières de l'Église. Veuille le ciel que cette lumière ne soit pas un feu dévorant. D'Artagnan, qui pendant une heure s'était rongé les ongles d'impatience, commençait à attaquer la chair. Restés seuls, les deux amis gardèrent d'abord un silence embarrassé. Cependant, il fallait que l'un des deux le rompît le premier. Et comme D'Artagnan paraissait décidé à laisser cet honneur à son ami, « Vous le voyez, dit Aramis, vous me trouvez revenu à mes idées fondamentales. » Oui. La grâce efficace vous a touché, comme disait ce monsieur tout à l'heure. Oh, ces plans de retraite sont formés depuis longtemps, et vous m'en avez déjà ouï parler, n'est-ce pas, mon ami ? Sans doute. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de rentrer dans le sein de l'Église. Et pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier et que demain ? Que vous est-il donc arrivé aujourd'hui qui vous donne de si méchantes idées ? Cette blessure, mon cher D'Artagnan, m'a été un avertissement du ciel. Cette blessure, bah, elle est à peu près guérie, et je suis sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas celle-là qui vous fait le plus souffrir. Et laquelle ? Demanda Aramis en rougissant. Vous en avez une au cœur, Aramis, une plus vive et plus sanglante, une blessure faite par une femme. L'œil d'Aramis étincela malgré lui. Poussière, je rentre dans la poussière. La vie est pleine d'humiliation et de douleur, continua-t-il en s'assombrissant. Tous les fils qui la rattachent au bonheur se rompent tour à tour dans la main de l'homme, surtout les fils d'or. D'Artagnan sourit et ne répondit point. Aramis continua. Et cependant, tandis que je tiens encore à la terre, j'eusse voulu vous parler de vous, de nos amis. Et moi, dit D'Artagnan, j'eusse voulu vous parler de vous-même, mais je vous vois si détaché de tout. Les amours, vous en faites fi, les amis sont des ombres, le monde est un sépulcre. Hélas, vous le verrez par vous-même, dit Aramis avec un soupir. N'en parlons donc plus, dit D'Artagnan, et brûlons cette lettre qui sans doute vous annonçait quelque nouvelle infidélité de votre grisette ou de votre fille de chambre. Quelle lettre ? S'écria vivement Aramis. Une lettre qui était venue chez vous en votre absence et qu'on m'a remise pour vous. Mais de qui cette lettre ? Ah ! De quelque suivante éplorée ? De quelque grisette au désespoir ? La fille de chambre de Madame de Chevreuse, peut-être, qui aurait été obligée de retourner à Tours avec sa maîtresse, et qui, pour se faire pimpante, aura pris du papier parfumé et aura cacheté sa lettre avec une couronne de duchesse. Que dites-vous là ? Tiens, je l'aurais perdue, dit sournoisement le jeune homme en faisant semblant de la chercher. Ah, D'Artagnan ! D'Artagnan ! S'écria Aramis, tu me fais mourir ! Enfin, la voici, dit D'Artagnan. Et il tira la lettre de sa poche. Aramis fit un bond, saisit la lettre, la lut, ou plutôt la dévora. Son visage rayonnait. Il paraît que la suivante a un beau style, dit nonchalamment le messager. Merci, D'Artagnan, s'écria Aramis, presque en délire. Elle a été forcée de retourner à Tours. Elle ne m'est pas infidèle, elle m'aime toujours. Viens, mon ami, viens que je t'embrasse, le bonheur m'étouffe. Et les deux amis se mirent à danser autour du vénérable saint Chrysostome, piétinant bravement les feuillets de la thèse qui avait roulé sur le parquet. Chapitre 27. La femme d'Athos. Il reste maintenant à savoir des nouvelles d'Athos, dit d'Artagnan au fringant Aramis, quand il l'eut mis au courant de ce qui s'était passé dans la capitale depuis leur départ et qu'un excellent dîner leur eût fait oublier à l'un sa thèse, à l'autre sa fatigue. Et quand partez-vous ? Demain au point du jour. Reposez-vous de votre mieux cette nuit et demain, si vous le pouvez, nous partirons ensemble. Le lendemain, Aramis s'élança en selle avec sa grâce et sa légèreté ordinaire. Mais après quelques voltes et quelques courbettes du noble animal, son cavalier ressentit des douleurs tellement insupportables qu'il pâlit et chancela. D'Artagnan, qui dans la prévision de cet accident ne l'avait pas perdu des yeux, s'élança vers lui, le retint dans ses bras et le conduisit à sa chambre. « C'est bien, mon cher Aramis, soignez-vous, dit-il. J'irai seul à la recherche d'Athos. » « Vous êtes un homme d'airain, lui dit Aramis. » Ils se dirent adieu et 10 minutes après, D'Artagnan, après avoir recommandé son ami à Bazin et à l'hôtesse, trottait dans la direction d'Amiens. Comment allait-il retrouver Athos? Et même le retrouverait-il? La position dans laquelle il l'avait laissé était critique. Il pouvait bien l'avoir succombé. Ce qu'il y avait d'indéfinissable dans Athos, qui se faisait toujours obscur et petit, c'était cette science délicate du monde et des usages de la plus brillante société, cette habitude de bonne maison qui perçait comme à son insu dans ses moindres actions. Et cependant, on voyait cette nature si distinguée, cette créature si belle, cette essence si fine, tourner insensiblement vers la vie matérielle comme les vieillards tournent vers l'imbécilité physique et morale. Athos, dans ses heures de privation, et ses heures étaient fréquentes, s'éteignait dans toute sa partie lumineuse et son côté brillant disparaissait comme une profonde nuit. Alors, le demi-dieu évanoui, il restait à peine un homme. La tête basse, l'œil terne, la parole lourde et pénible, Athos regardait pendant de longues heures soit sa bouteille, soit son verre. Ce n'était pas non plus, comme chez nos voisins les Anglais, une influence atmosphérique qui assombrissait son visage, car cette tristesse devenait plus intense en général vers les beaux jours de l'année. Juin et juillet étaient les mois terribles d'Athos. Pour le présent, il n'avait pas de chagrin. Il haussait les épaules quand on lui parlait de l'avenir. Son secret était donc dans le passé, comme on l'avait dit vaguement à D'Artagnan. Vers 11 heures du matin, on aperçut Amiens. À 11h30, on était à la porte de l'auberge maudite. « Me reconnaissez-vous ? » dit-il à l'hôte qui s'avançait pour le saluer. « Je n'ai pas cet honneur, monseigneur. » « Eh bien, deux mots vont vous rendre la mémoire. Qu'avez-vous fait de ce gentilhomme à qui vous eûtes l'audace, voici 15 jours passés à peu près, d'intenter une accusation de fausse monnaie ?» L'hôte pâlit, car D'Artagnan avait pris l'attitude la plus menaçante et Planchet se modelait sur son maître. « Ah, monseigneur, ne m'en parlez pas !» s'écria l'hôte de son ton de voix le plus larmoyant. « Ah, seigneur, combien j'ai payé cette faute ! Ah, malheureux que je suis ! Ce gentilhomme, vous dis-je, qu'est-il devenu ? Daignez m'écouter, monseigneur, et soyez clément. Voyons, asseyez-vous par grâce. J'écoute. J'avais été prévenu par les autorités qu'un faux monnayeur célèbre arriverait à mon auberge avec plusieurs de ses compagnons, tous déguisés sous le costume de garde ou de mousquetaire. Vos chevaux, vos laquais, vos figures, mes seigneurs, tout m'avait été dépeint. Après, dit D'Artagnan, ce gentilhomme, où est-il ? Qu'est-il devenu ? Est-il mort ? Est-il vivant ? Patience, monseigneur, nous y voici. Monsieur votre ami, après avoir mis hors de combat 2 hommes de ses 2 coups de pistolet, battit en retraite en se défendant avec son épée dont il estropia encore un de mes hommes. Il trouva derrière lui l'escalier de la cave, et comme la porte était ouverte, il tira la clé à lui et se barricada en dedans. Comme on était sûr de le retrouver là, on le laissa libre. Quand je repris mes sens, j'allais trouver monsieur le gouverneur. Il me dit qu'il ignorait complètement ce que je voulais dire, que les ordres qui m'étaient parvenus n'émanaient pas de lui, et que si j'avais le malheur de dire à qui que ce fût qu'il était pour quelque chose dans toute cette échauffourée, il me ferait pendre. « Mais Athos !» s'écria D'Artagnan. Comme j'avais hâte de réparer mes torts envers le prisonnier, reprit l'aubergiste, je m'acheminai vers la cave afin de lui rendre sa liberté. « Ah, monsieur, ce n'était plus un homme, c'était un diable !» À cette proposition de liberté, il déclara que c'était un piège qu'on lui tendait. « Mais enfin, s'écria D'Artagnan, où est-il ? Où est Athos ? » ?»« Dans la cave, monsieur. » »« Comment malheureux ? Vous le retenez dans la cave depuis ce temps-là ? » ?»« Monte divine, non, monsieur. Nous le retenir dans la cave ? Vous ne savez donc pas ce qu'il y fait dans la cave ? » ?»« Alors, il est là, je le retrouverai là. » ?»« Sans doute, monsieur. Il s'est obstiné à y rester. » De sorte que depuis ce temps... reprit D'Artagnan, ne pouvant s'empêcher de rire de la figure piteuse de son hôte. « De sorte que depuis ce temps, monsieur, continua celui-ci, nous menons la vie la plus triste qui se puisse voir. Car, monsieur, il faut que vous sachiez que toutes nos provisions sont dans la cave. Il y a notre vin en bouteille et notre vin en pièces. La bière, l'huile et les épices, le lard et les saucissons. Tenez, le voilà qui s'emporte. Sans doute on l'aura troublé, dit d'Artagnan. Mais il faut bien qu'on le trouble, s'écria l'hôte. Il vient de nous arriver de gentilshommes anglais. Eh bien ? Eh bien, les Anglais aiment le bon vin, comme vous savez, monsieur. Ah, bonté divine, voilà le sabbat qui redouble. D'Artagnan, en effet, entendit mener un grand bruit du côté de la cave. Les deux gentilshommes étaient exaspérés. Ils avaient fait une longue course et mouraient de faim et de soif. « Mais c'est une tyrannie !» s'écria-t-il en très bon français, quoique avec un accent étranger. « Ça, nous allons enfoncer la porte, et s'il est trop enragé, eh bien nous le tuerons. »« Planchet, » dit D'Artagnan en armant ses pistolets, « je me charge de celui qui est en haut, charge-toi de celui qui est en bas. »« Ah, messieurs, vous voulez de la bataille? Eh bien, on va vous en donner. »« Mon Dieu !» s'écria la voix creuse d'Athos. « J'entends D'Artagnan, ce me semble. »« En effet, » dit D'Artagnan en haussant la voix à son tour, « c'est moi-même, mon ami. » »« Ah, bon, alors, » dit Athos, « nous allons les travailler, ces enfonceurs de portes. Range-toi, D'Artagnan, range-toi, » cria Athos. « Range-toi, je vais tirer. » « Messieurs, » dit D'Artagnan, que la réflexion n'abandonnait jamais, « messieurs, songez-y, laissez-moi faire vos affaires et les miennes. Tout à l'heure, vous aurez à boire, je vous en donne ma parole. » Les Anglais, convaincus, remirent en grommelant leurs épées au fourreau. On leur raconta l'histoire de l'emprisonnement d'Athos, et comme ils étaient bons gentilshommes, ils donnèrent tort à l'hôtelier. « Maintenant que je suis seul, mon cher Athos, » dit D'Artagnan, « ouvrez-moi la porte, je vous en prie. »« À l'instant même, » dit Athos. Un instant après, la porte s'ébranla, et l'on vit paraître la tête pâle d'Athos, qui d'un coup d'œil rapide explorait les environs. D'Artagnan se jeta à son cou et l'embrassa tendrement, puis il voulut l'entraîner hors de ce séjour humide. Alors il s'aperçut qu'Athos chancelait. « Vous êtes blessé, lui dit-il. « Moi ?» Pas le moins du monde, je suis ivre-mort, voilà tout. » En même temps, Grimaud parut à son tour derrière son maître, le mousqueton sur l'épaule, la tête tremblante, comme ces satyres ivres des tableaux de Rubens. Pendant ce temps, l'hôte et sa femme se précipitèrent avec des lampes dans la cave qui leur avait été si longuement interdite et où un affreux spectacle les attendait. D'Artagnan lui raconta comment il avait trouvé Porthos dans son lit avec une foulure et Aramis à une table entre les deux théologiens. « C'est bien, » dit Athos. Mon ami, qu'avez-vous? Que vous est-il arrivé personnellement? Je vous trouve un air sinistre. » « Hélas, » dit D'Artagnan, « c'est que je suis le plus malheureux de nous tous, moi. » D'Artagnan raconta son aventure avec Madame Bonacieux. Athos l'écouta sans sourciller. Puis, lorsqu'il eut fini, « Misère que tout cela, » dit Athos, « misère. » C'était le mot d'Athos. « Vous dites toujours misère, mon cher Athos, » dit D'Artagnan. « Cela vous sied bien mal, à vous qui n'avez jamais aimé. » L'œil mort d'Athos s'enflamma soudain. Mais ce ne fut qu'un éclair. Il redevint terne et vague comme auparavant. « C'est vrai, » dit-il tranquillement. « Je n'ai jamais aimé, moi. » « Vous voyez bien alors, cœur de pierre, » dit D'Artagnan, « que vous avez tort d'être dur pour nous autres, cœur tendre. »« Cœur tendre, cœur percé, » dit Athos. « Mais alors, philosophe que vous êtes, » dit D'Artagnan, « instruisez-moi, soutenez-moi. J'ai besoin de savoir et d'être consolé. »« Consolé de quoi? De mon malheur ?»« Votre malheur fait rire, » dit Athos en haussant les épaules. « Je serais curieux de savoir ce que vous diriez si je vous racontais une histoire d'amour. »« Arrivé à vous ?»« Ou à un de mes amis, qu'importe. »« J'écoute, » dit D'Artagnan. Athos se recueillit, et à mesure qu'il se recueillait, D'Artagnan le voyait pâlir. « Qu'il soit fait donc comme vous le désirez. »« Un de mes amis, entendez-vous bien. » « Pas moi, » dit Athos. Un des comtes de ma province devint amoureux à 25 ans d'une jeune fille de 16, belle comme les amours. À travers la naïveté de son âge perçait un esprit ardent, un esprit non pas de femme, mais de poète. Elle ne plaisait pas, elle enivrait. Elle vivait dans un petit bourg près de son frère qui était curé. Mon ami, qui était le seigneur du pays, aurait pu la séduire ou la prendre de force, Malheureusement, il était honnête homme. Il l'épousa. Le sot, le niais, l'imbécile. Eh bien ? Demanda d'Artagnan. Eh bien, un jour qu'elle était à la chasse avec son mari, continua Athos à voix basse et en parlant fort vite, elle tomba de cheval et s'évanouit. Le comte s'élança à son secours et, comme elle étouffait dans ses habits, il les fendit avec son poignard et lui découvrit l'épaule. Devinez ce qu'elle avait sur l'épaule, d'Artagnan. Une fleur de lys, dit Athos. Elle était marquée. Et Athos vida d'un seul trait le verre qu'il tenait à la main. Horreur, s'écria d'Artagnan. Que me dites-vous là ? La vérité, mon cher. L'ange était un démon. La pauvre fille avait volé. Et que fit le comte ? Le comte était un grand seigneur, il avait sur ses terres droits de justice basse et haute. Il acheva de déchirer les habits de la comtesse, il lui lia les mains derrière le dos et la pendit à un arbre. Cria Athos. Un meurtre ? S'écria d'Artagnan. Oui, un meurtre, pas davantage, dit Athos, pâle comme la mort. Mais on me laisse manquer de vin, ce me semble. Ainsi, elle est morte, balbutia d'Artagnan. Parbleu, dit Athos. Et son frère, ajouta timidement d'Artagnan. Son frère, reprit Athos. Oui, le prêtre. C'est sans doute le premier amant et le complice de la belle, un digne homme qui avait fait semblant d'être curé peut-être pour marier sa maîtresse et lui assurer un sort. Il aura été écartelé, je l'espère. Oh mon Dieu, fit d'Artagnan, tout étourdi de cette horrible aventure. Chapitre 28. Retour. D'Artagnan, en se réveillant le lendemain matin, avait chaque parole d'Athos présente à son esprit. Il passa chez son ami avec l'intention bien arrêtée de renouer sa conversation de la veille, mais le mousquetaire, après avoir échangé avec lui une poignée de main, alla le premier au-devant de sa pensée. « J'étais bien ivre hier, mon cher d'Artagnan, dit-il. J'ai senti cela ce matin à ma langue, qui était encore fort épaisse, et à mon pouls, qui était encore fort agité. Je parie que j'ai dit 1000 extravagances. » D'Artagnan garda le silence. Puis Athos, changeant tout à coup de conversation, « À propos, dit-il, je vous remercie du cheval que vous m'avez amené. » « Est-il de votre goût ? » demanda d'Artagnan. « Oui, mais je m'en suis défait. »« Comment cela ?»« Voilà le fait. Ce matin, je me suis réveillé à 6 heures, vous dormiez comme un sourd, et je ne savais que faire. J'étais encore tout hébété de notre débauche d'hier. Je descendis dans la grande salle et j'avisai un de nos Anglais qui marchandait un cheval à un maquignon. » Le sien étant mort hier d'un coup de sang. Je m'approchai de lui, comme je vis qu'il offrait 100 pistoles d'un alezan brûlé. « Pardieu, lui dis-je, mon gentilhomme, moi aussi j'ai un cheval à vendre. »« Voulez-vous me le donner pour ce prix-là ? » ?»« Non, mais je vous le joue. »« Vous me le jouez ? » ?»« Oui. » »« À quoi ? » ?»« Au dé. » Ce qui fut dit fut fait, et j'ai perdu le cheval. D'Artagnan ne se déridait pas. « Cela me contrarie, continua Athos, que vous paraissiez tant tenir à ces animaux, car je ne suis pas au bout de mon histoire. Qu'avez-vous donc fait encore ? Après avoir perdu mon cheval, 9 contre 10, voyez le coup, l'idée me vint de jouer le vôtre. Oui, mais vous vous entendez, j'espère, à l'idée. Non pas, je l'ai mis à exécution à l'instant même. Ah, par exemple, s'écria d'Artagnan inquiet. Je jouais et je perdis. Attendez, non, vous n'y êtes point. Je ferais un joueur excellent si je ne m'entêtais pas. Si je ne m'entêtais pas. Mais je m'entête. C'est comme quand je bois, je m'entêtais, donc. Mais que pûtes-vous jouer ? Il ne vous restait plus rien. Si fait, mon ami, il nous restait ce diamant qui brille à votre doigt et que j'avais remarqué hier. Ce diamant, s'écria d'Artagnan en portant vivement la main à sa bague. « Achevez, mon cher, achevez, dit d'Artagnan. Car d'honneur, avec votre sang-froid, vous me faites mourir. Nous divisâmes donc ce diamant en 10 parties de 100 pistoles chacune. En 13 coups, je perdis tout. » En 13 coups, le nombre 13 m'a toujours été fatal, c'était le 13 du mois de juillet. Ventrebleu, s'écria d'Artagnan en se levant de table, l'histoire du jour lui faisant oublier celle de la veille. Patience, dit Athos, j'avais un plan. L'anglais était un original, je l'avais vu le matin causer avec Grimaud. Et Grimaud m'avait averti qu'il lui avait fait des propositions pour entrer à son service. Je lui joue Grimaud, le silencieux Grimaud, divisé en 10 portions. Ah, pour le coup, dit d'Artagnan éclatant de rire malgré lui. Grimaud lui-même, entendez-vous cela? Et avec les 10 parts de Grimaud, qui ne vaut pas en tout un ducaton, je regagne le diamant. Dites maintenant que la persistance n'est pas une vertu. J'ai rattrapé votre harnais, puis le mien. Voilà où nous en sommes. D'Artagnan respira comme si on lui eût enlevé l'hôtellerie de dessus la poitrine. Enfin, le diamant me reste, dit-il timidement. Intact, cher ami. Plus les harnais de votre bucéphale et du mien. Écoutez, vous n'avez pas joué depuis longtemps, vous, d'Artagnan. Et je n'ai point l'envie de jouer. À votre place, je jouerai votre harnais contre votre cheval. Vous feriez cela, dit d'Artagnan indécis, dont la confiance d'Athos commençait à le gagner à son insu. Parole d'honneur, en un seul coup. Va pour un coup, dit d'Artagnan. Athos se mit en quête de l'anglais et le trouva dans l'écurie où il examinait les harnais d'un œil de convoitise. L'occasion était bonne. D'Artagnan jeta les dés en tremblant et amena le nombre 3. Sa pâleur effraya Athos. L'anglais, triomphant, ne se donna même pas la peine de rouler les dés. Il les jeta sur la table sans regarder. « Tiens, tiens, tiens, dit Athos avec sa voix tranquille. Ce coup de dés est extraordinaire et je ne l'ai vu que 4 fois dans ma vie. 2 as. » L'anglais regarda et fut saisi d'étonnement. D'Artagnan regarda et fut saisi de plaisir. Athos tira d'Artagnan à part. « Prenez les 100 pistoles, mon ami, prenez les 100 pistoles. » D'Artagnan acquiesça et choisit les 100 pistoles que l'anglais lui compta sur le champ. Puis l'on ne songea plus qu'à partir. La paix signée avec l'aubergiste, outre le vieux cheval d'Athos, coûta 6 pistoles. D'Artagnan et Athos prirent les chevaux de Planchet et de Grimaud. Les 2 valets se mirent en route à pied, portant les selles sur leur tête. Ils arrivèrent à Crèvecœur. De loin, ils aperçurent Aramis mélancoliquement appuyé sur sa fenêtre et regardant, comme Masserane, poudroyer l'horizon. « Hola, et Aramis, que diable faites-vous donc là ?» crièrent les 2 amis. « Ah, c'est vous, D'Artagnan, c'est vous, Athos, » dit le jeune homme. « Je songeais avec quelle rapidité s'en vont les biens de ce monde. La vie elle-même peut se résoudre en 3 mots. Erat, est, fuit. » « Cela veut dire au fond ?» demanda D'Artagnan. « Cela veut dire que je viens de faire un marché de dupes. 60 louis, un cheval, qui, à la manière dont il file, peut faire au trot 5 lieues à l'heure. » D'Artagnan et Athos éclatèrent de rire. Au même instant, un fourgon, qui depuis quelques instants pointait sur la route d'Amiens, s'arrêta, et l'on vit sortir Grimaud et Planchet, leurs selles sur la tête. « Qu'est-ce que cela ?» dit Aramis en voyant ce qui se passait. « Rien que les selles ?»« Comprenez-vous maintenant ?» dit Athos. « Mes amis, c'est exactement comme moi. J'ai conservé le harnais par instinct. Oh là, Bazin, portez mon harnais neuf auprès de celui de ces messieurs. Mes amis, nous retournons donc à Paris. Bravo, je suis prêt. Nous allons donc revoir ce bon Porthos. Tant mieux. Vous ne croyez pas qu'il me manquait, ce grand niais-là. Ce n'est pas lui qui aurait vendu son cheval, fût-ce contre un royaume. » Et l'on se mit en route pour aller retrouver Porthos. On le trouva debout, moins pâle que ne l'avait vu D'Artagnan à sa première visite, et assis à une table où, quoiqu'il fût seul, figurait un dîner de 4 personnes. « Ah, pardieu, dit-il en se levant, vous arrivez à merveille, messieurs. J'en étais justement au potage et vous allez dîner avec moi. « Savez-vous ce que nous mangeons ici ?» dit Athos au bout de 10 minutes. « Vous mangez du cheval. » « Allons donc, dit D'Artagnan. » « Du cheval ?» fit Aramis, avec une grimace de dégoût. Porthos seul ne répondit pas. « Oui, du cheval, n'est-ce pas, Porthos, que nous mangeons du cheval ? Peut-être même les caparaçons avec ?»« Non, messieurs, j'ai gardé le harnais, » dit Porthos. « Ma foi, nous nous valons tous, » dit Aramis. « On dirait que nous nous sommes donné le mot. » Ce fut alors un hourra de rire dont le pauvre Porthos fut tout saisi. Mais on lui expliqua bientôt la raison de cette hilarité, qu'il partagea bruyamment selon sa coutume. « De sorte que nous sommes tous en fond, » dit D'Artagnan. « Mais pas pour mon compte, » dit Athos. « J'ai trouvé le vin d'Espagne d'Aramis si bon que j'en ai fait charger 60 de bouteilles dans le fourgon des laquais, ce qui m'a fort désargenté. » « Et moi, » dit Aramis, « imaginez donc que j'avais donné jusqu'à mon dernier sou à l'église de Montdidier et aux jésuites d'Amiens. » « Et moi, » dit Athos en tirant quelques menues monnaies de sa poche, « moi, vous, rien. » « Ma foi, aussi peu de choses que ce n'est pas la peine de rapporter à la masse. Dînons donc, dit Porthos, cela refroidit. Les quatre amis, plus tranquilles désormais sur leur avenir, firent honneur au repas dont les restes furent abandonnés à messieurs Mousqueton, Bazin, Planchet et Grimaud. En arrivant à Paris, D'Artagnan trouva une lettre de M. de Tréville qui le prévenait que, sur sa demande, le roi venait de lui accorder la faveur d'entrer dans les mousquetaires. Comme c'était tout ce que D'Artagnan ambitionnait au monde, à part bien entendu le désir de retrouver Mme Bonacieux, il courut tout joyeux chez ses camarades qu'il venait de quitter il y avait une demi-heure et qu'il trouva fort triste et fort préoccupé. M. de Tréville venait de les faire prévenir que l'intention bien arrêtée de Sa Majesté étant d'ouvrir la campagne le 1er mai, ils eussent à préparer incontinent leurs équipages. Les quatre philosophes se regardèrent tout ébahis. M. de Tréville ne plaisantait pas sous le rapport de la discipline. « Et à combien estimez-vous ces équipages ?» dit D'Artagnan. « 4 × 15 font 60, soit 6 000 livres, dit Athos. « Moi, dit D'Artagnan, il me semble qu'avec 1 000 livres chacun, il est vrai que je ne parle pas en spartiate, mais en procureur. » Ce mot de procureur réveilla Porthos. « Tiens, j'ai une idée, dit-il. » « Plus, dit Athos, en attendant que D'Artagnan, qui allait remercier M. de Tréville, lui fermait la porte, plus ce beau diamant qui brille au doigt de notre ami. Que diable ! D'Artagnan est trop bon camarade pour laisser des frères dans l'embarras quand il porte à son Médius la rançon d'un roi. » Chapitre 29. La chasse à l'équipement. Le plus préoccupé des quatre amis était bien certainement D'Artagnan. Quelque information qu'il eût pu prendre sur Mme Bonacieux, il ne lui en était venu aucune nouvelle. Athos ne sortait pas de sa chambre. Il était résolu à ne pas risquer une enjambée pour s'équiper. Porthos continuait à se promener, les mains derrière le dos, en hochant la tête de haut en bas et disant « Je poursuivrai mon idée. » Aramis, soucieux et mal frisé, ne disait rien. On peut voir par ces détails désastreux que la désolation régnait dans la communauté. Cependant, comme Porthos avait trouvé le premier son idée et comme il l'avait poursuivi avec persistance, il fut le premier à agir. D'Artagnan l'aperçut un jour qu'il s'acheminait vers l'église Saint-Leu et le suivit instinctivement. Il entra au lieu saint après avoir relevé sa moustache et allongé sa royale, ce qui annonçait toujours de sa part les intentions les plus conquérantes. D'Artagnan entra derrière lui. Porthos alla s'adosser aux côtés d'un pilier. D'Artagnan, toujours inaperçu, s'appuya de l'autre. D'Artagnan remarqua, sur le banc le plus rapproché du pilier où Porthos et lui étaient adossés, une espèce de beauté mûre, un peu jaune, un peu sèche, mais raide et hautaine sous ses coiffes noires. Les yeux de Porthos s'abaissaient furtivement sur cette dame, puis papillonnaient au loin dans la nef. Il était clair que c'était un manège qui piquait au vif la dame aux coiffes noires, car elle se mordait les lèvres jusqu'au sang, se grattait le bout du nez et se démenait désespérément sur son siège. Ce que, voyant, Porthos se mit à faire des signaux à une belle dame qui était près du cœur. Pendant ce temps, Porthos jouait serré. C'était des clignements d'yeux, des doigts posés sur les lèvres, des petits sourires assassins qui réellement assassinaient la belle dédaignée. Aussi poussa-t-elle en forme de mea culpa et en se frappant la poitrine un « tellement vigoureux que tout le monde, même la dame au coussin rouge, se retourna de son côté. La dame au coussin rouge fit un grand effet, car elle était fort belle, sur la dame aux coiffes noires qui vit en elle une rivale véritablement à craindre. Un grand effet sur Porthos, qui la trouva plus jolie que la dame aux coiffes noires. Un grand effet sur D'Artagnan, qui reconnut la dame de main, de Calais et de Douvres, que son persécuteur, l'homme à la cicatrice, avait salué du nom de Milady. C'en fut trop pour la procureuse. Elle ne douta plus que cette dame et Porthos fussent en galanterie. Si elle eût été une grande dame, elle se serait évanouie, mais comme elle n'était qu'une procureuse, elle se contenta de dire au mousquetaire avec une fureur concentrée « Monsieur Porthos, auriez-vous la bonté de m'offrir le bras pendant 5 minutes, je causerai volontiers avec vous. » « Comment donc, madame ?» dit Porthos en se clignant de l'œil à lui-même comme un joueur qui rit de la dupe qu'il va faire. Dans ce moment, D'Artagnan passait, poursuivant Milady. Il jeta un regard de côté sur Porthos et vit ce coup d'œil triomphant. « Ah, vous êtes l'enfant chéri des belles, monsieur Porthos !» reprit en soupirant la procureuse. « Mais, répondit Porthos, moi qui avais sacrifié pour vous la comtesse de Pénaflore. Oh, je le sais bien, la baronne de... Monsieur Porthos, ne m'accablez pas. La duchesse de... Monsieur Porthos, soyez généreux. » « Vous avez raison, madame. » « Je n'achèverai pas. Mais c'est mon mari qui ne veut pas entendre parler de prêter. » Madame Coquenard, je vous donnais la préférence. Je n'ai eu qu'à écrire à la duchesse de... Je ne veux pas dire son nom, car je ne sais pas ce que c'est que de compromettre une femme. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai eu qu'à lui écrire pour qu'elle m'envoyât 1500. La procureuse versa une larme. Ainsi, vous ne m'aimez plus, dit lentement et tristement la procureuse. Porthos garda un majestueux silence. C'est ainsi que vous répondez ? Hélas, je comprends. Après tout, je ne suis pas un homme déraisonnable. Je sais que vous n'êtes pas riche, Madame Coquenard, et que votre mari est obligé de censurer les pauvres plaideurs pour en tirer quelques pauvres écus. Oh, si vous étiez comtesse, marquise ou duchesse, ce serait autre chose, et vous seriez impardonnable. La procureuse fut piquée. Apprenez, Monsieur Porthos, dit-elle, que mon coffre-fort, tout coffre-fort de procureuse qu'il est peut-être mieux garni que celui de toutes vos mijaurées ruinées. « Tenez, madame, dit Porthos, ne parlons plus de tout cela. Je vous en prie, vous m'avez méconnu. Toute sympathie est éteinte entre nous. » Voyons, monsieur Porthos, encore une fois, c'est la dernière. M'aimez-vous encore ? Hélas, madame, dit Porthos, du ton le plus mélancolique qu'il put prendre. Quand nous allons entrer en campagne, dans une campagne où mes pressentiments me disent que je serai tué. « Ne dites pas de pareilles choses !» s'écria la procureuse en éclatant en sanglots. « Revenez demain à la maison. Vous êtes le fils de ma tante, mon cousin par conséquent. Vous venez de Noyon en Picardie. Vous avez plusieurs procès à Paris et pas de procureur. Retiendrez-vous bien tout cela ?»« Parfaitement, madame. Venez à l'heure du dîner. Fort bien. Nous sommes donc réconciliés, cher monsieur Porthos » dit-elle en minaudant. « Pour la vie !» répliqua Porthos sur le même air. « Au revoir donc, mon traître !» Au revoir, mon oublieuse. À demain, mon ange. À demain, flamme de ma vie.